à dépasser les fonctions de leur devoir pour en arriver à réaliser les attributs plus parfaits de la conscience mercurienne, elle aussi en évolution.